à l'école patiemment, tous les petits enfants chaque jour sont assis sur leur banc. Par les fenêtres ouvertes, ils rêvent de découvertes en regardant dehors les roses, les boutons d'or, et le chant des oiseaux les emporte sur leurs ailes tout là-haut. Dans cette classe, combien d'enfants comme moi, à cette place depuis ont vécu ça là-bas. Silencieux le matin, dans les rangs deux par deux, on entre en se tenant par la main. Dans les odeurs de craie et de pâte à modeler, la pièce est bien rangée, prête pour la journée. Debout devant sa table, la maîtresse a ouvert son cartable. Dans cette classe, combien d'enfants ainsi, à notre place depuis, se sont assis ici. Dans ma classe, à côté de la porte d'entrée, tous nos manteaux sont bien alignés. Sont aussi déposés les sacs pour le goûter, que chacun bien malin a pris soin d'apporter, cachés à l'intérieur des bonbons, des petits lus, des quatre heures. Dans cette classe, combien d'enfants comme moi, à cette place depuis, ont vu tout ça là-bas. Dans ma classe, on peut voir tout près du tableau noir, l'étagère aux vieux livres d'histoire. Sur le mur d'à côté, il y a d'accrochés les dessins bariolés des élèves appliqués. Chaque nom est marqué dans un coin pour savoir qui l'a fait. Dans cette classe, combien d'enfants comme moi, à cette place depuis, on fait tout ça là-bas. Dans ma classe, il y a des bureaux tout en bois qui sont là depuis bien longtemps. Et certains sont gravés par d'anciens écoliers dans les années d'avant, dans les années passées. C'est marqué sur le mien, et s'il a embrassé Valentin. Petits enfants, chaque jour sont assis sur leur banc. Par les fenêtres ouvertes, ils rêvent de découvertes en regardant dehors les roses, les boutons d'or, et le chant des oiseaux les emporte sur leurs ailes tout là-haut. Dans cette classe, combien d'enfants comme toi, cette place plus tard se souviendront de ça.